Une promesse au ciel. Une histoire avec de la magie en moi. Un livre avec une fois que je ne peux pas m'empêcher de lire. Mélancolie. Fermer les yeux, aspirer à revenir vers toi. Sentir ta voix, voir la lumière de ton être. Voir que tu ne sonnes dans la joie d'un samedi, après-midi, et comment la fleur pédogue les pétales jusqu'à ce qu'elle se fende. La cruelle vérité appelée réalité. Aujourd'hui, j'écris pour me défouler à cet homme de suffocation. Je suppose que tu continueras d'être l'éternel de mon histoire et moi ta lectrice la plus fidèle. Encore je parlerai à la lune de toi et con l'éclat qui la représente dans l'obscurité de la nuit. Je te promets de continuer à t'aimer.